Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on commence avec une nouveauté en provenance d'Allemagne et c'est le groupe RPVL qui nous envoie un premier extrait d'un album en concert intitulé True Life Crime, un album qui paraîtra le 12 avril sous la forme de double vinyle, double CD et il y aura aussi un Blu-ray. C'est un concert qui a été filmé en Hollande, aux Pays-Bas, lors de la toute récente tournée True Life Crime que le groupe a menée dans 8 pays en Europe et incidemment un concert qu'on aura la chance de voir à Québec le 18 mai prochain dans le cadre de la 17e édition du festival Terra Incognita et le groupe se présentera aussi sur scène le 17 mai avec un concert hommage à Pink Floyd. Donc un doublé pour RPVL, c'est pas de la visite courante, donc on en profite pour 2 concerts différents, le 17 et le 18 mai, à la Chapelle Spectacle. Il y a encore des billets de disponibles. Et puis, on aura aussi Rick Miller, une autre nouveauté. On a présenté un premier extrait la semaine dernière du 18e album studio de ce Torontois. On a un second extrait, donc, de l'album One of the Many. Et par la suite, Marc, on présente encore un autre extrait d'un nouvel album d'un artiste installé à Londres. Oui, en effet, il s'agit de Marcin Pajak, qui est originaire de la Pologne et qui présentait hier son nouvel album In the Space, son 6e en carrière. Et on aura pour vous ce soir la pièce New Beginning. On aura également une pièce de la formation chilienne Isles. C'est tiré de leur prochain EP qui aura pour titre Obras de los Aivas. C'est un EP qui paraîtra le 24 mai prochain et qui est un hommage au groupe Los Aivas, une formation de rock progressif psychédélique qui a fait plus de 10 albums studio en carrière. Un groupe qui a eu beaucoup d'influence sur les formations modernes d'Amérique latine. Et ici, on aura pour vous la pièce La Conquistada. Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec une pièce en spectacle de la formation allemande RPVL. We'll be right back. Some are born to be good, and some are evil. Can you see it in their eyes? Feel the darkness that you hide, all the fears you keep inside, and the dark side of your soul. Hi, I'm Rick Miller, and I'm very proud to present a track from my new album, One of the Many. Shut up to greet me now. I'm basking in the glow of I understand your memory isn't what it used to be. This is what we doctors call brain atrophy. I wake each morning knowing that the world has just begun. I don't remember yesterday, but that would spoil the fun. You come to see me Saturdays, but I don't know your name. I somehow want to be with you, but that would cause me pain. To see you standing next to him will make me go Each day it seems

caricias tiernos de velo. Suaves caricias tiernos de velo. Suaves caricias tiernos de velo. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. The world waited, curious, wondering, aware. CKRL 89.1. Le 17 mars, vivez un spectacle en famille à l'Anglicane de Lévis. Entrez dans l'univers fantastique de Glitch, un spectacle tout en danse et en lumière. Le 17 mars, voyez Glitch à l'Anglicane. Billets disponibles au espacedcl.ca. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Speak white. En mars 1970, des milliers de personnes s'étaient rassemblées en pleine nuit pour écouter de la poésie. 50 ans plus tard, les mots brillent encore. Les regrettiers de la patrie dans les pawn shops de la nation. Venez en grand nombre assister à une nouvelle nuit de la poésie le 23 mars prochain. Je suis Dieu. Un moment magique à la Maison de la littérature avec Nora Atala, Nicolas Dawson, Anne-Marie Desmeules, Valérie Forgue et plusieurs autres. Nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Tous les détails sur maisondelalittérature.qc.ca. Recule! Je cessais de courir parce que je devais savoir si tu étais derrière moi. Je devais savoir si tu avais réussi. Parce que si c'était pas le cas, moi, à ce moment-là, vers quoi est-ce que je courais? Dimanche à Sodome au Théâtre Périscope, du 5 au 23 mars. Une production des Écornifleuses, dans une mise en scène de Jocelyn Pelletier. Billets en vente au théâtreperiscope.qc.ca. Jusqu'au 3 avril, voyez l'exposition de l'artiste Bill Vincent au Centre d'exposition Louise Carrier à Lévis. Une activité de la Manif d'art, la Biennale de Québec. L'exposition de Bill Vincent au Centre d'exposition Louise Carrier. Tous les détails sur espacedcl.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. Pour la prochaine demi-heure, on a retenu des pièces de groupes qui vont se produire dans le cadre du festival Terra Incognita le 17, 18 et 19 mai prochain à la Chapelle Spectacle. Donc, on aura dans un premier temps deux pièces de Live Stream, une formation italienne de Toscane, pour être plus précis, qui a deux albums à son actif, c'est-à-dire Diary, qui est paru en 2018, et Alter Echo, qui, lui, a été lancé en 2022. Ce soir, on vous présente deux extraits du premier album du groupe, et on aura les pièces Discoveries et Built from the Inside. Parlant de ce premier album, on y retrouve aussi une version d'une pièce de Banco. On pourrait presque dire que c'est une pièce cachée parce que on la retrouve à la toute fin de l'album, à la fin de la pièce Diary. Il y a un silence de quelques secondes et puis c'est la pièce de Banco qui commence à ce moment-là. Et c'est la pièce Emi Viene da Pensare en mémoire de Francesco Di Giacomo et de Rodolfo Maltese. Rappelons que Livestream doit se produire tout juste avant RPVL le 18 mai. Et puis, Marc, on va aussi avoir un extrait d'un album d'un groupe qui va se produire, lui, le 19 mai, toujours évidemment dans le cadre de la 17e édition du festival Terra Incognita. Oui, et on pourrait dire que c'est de la grande visite, puisque la formation Ranstrane, qui a été formée à Rome en 1998, en sera à sa toute première visite en Amérique du Nord. Ils ont 7 albums à leur actif, toujours des albums concept. Leur premier album, Nosferatu, était paru en 2007. Leur second, Shining, en 2011. Il y a eu ensuite la trilogie de l'Odyssée de l'espace, donc partie 1 en 2013, Monolith. Partie 2 en 2015, H.A.L. et partie 3 en 2018, Starchild. Ils ont également réalisé un hommage à l'album Pink Floyd The Wall en 2020 et leur plus récent et excellent album Apocalypse Now rend hommage au film du même nom de Francis Ford Coppola. Alors pour vous ce soir, on a choisi une pièce de la première partie de l'Odyssée de l'espace. Il s'agit de la pièce Il Monolito di Tycho. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord ce bloc musical avec deux extraits du premier album de la formation Livestream. The stage is ready. I set the scene. Set the scene. No repent. No repent. Just a single trumpet. Peace. We'll be right back. Thank you. gente. Mentre il sole nascosto a salire come la luna d'Oriente. Luce che va, luce che va qui. Luce che va, luce che va qui. Luce che va, luce che va qui. Luce. Luce che va qui. Luce che va qui. Luce. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Chaque année, le service d'entraide Basseville offre des services essentiels à très bas prix ou gratuitement à plus de 14 000 personnes vulnérables à Québec. Pour pouvoir alimenter la distribution alimentaire, la friperie et le service de livraison de meubles, l'organisme a besoin de près de 230 000 $ par année, dont 30 % proviennent des donateurs. C'est pourquoi votre aide est indispensable au bon développement de ces activités. Si vous aussi vous voulez valoriser l'entraide et le partage, faites un don au sebv.ca/donner. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15 % de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz et du rock progressif avec un programme double des Levin Brothers et de California Guitar Trio. Voyez les Levin Brothers, quatuor dirigé par le célèbre bassiste Tony Levin et son frère Pete. Une première visite à Québec pour la formation jazz. California Guitar Trio est de retour pour livrer du matériel original, ainsi que des reprises audacieuses des grands classiques du rock progressif. Les Levin Brothers et California Guitar Trio en programme double le 5 avril au Palais Montcalm. Billets en vente au palaismontcalm.ca. Véritable guitariste virtuose, Sean Ferguson est un compositeur et interprète accompli. Le musicien de Caraquet propose une musique instrumentale moderne, libre, transcendante et unique. Son langage musical, représentant une poésie riche en subtilité, se veut d'une intensité surprenante et nous fait inévitablement voyager. Sean Ferguson, samedi, le 23 mars, au Vieux Bureau de Poste. Le 17 mars, vivez un spectacle en famille à l'Anglicane de Lévis. Entrez dans l'univers fantastique de Glitch, un spectacle tout en danse et en lumière. Le 17 mars, voyez Glitch à l'Anglicane. Billets disponibles au espacedcl.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres une pièce de The Samurai of Prague. Et c'est une pièce Bonnie qui apparaît sur la réédition de The Spaghetti Epic Four, qui fait partie du coffret Omnibus 3. Alors, on aura pour vous la pièce Secondo Millennio. On aura également un second extrait du nouvel album de Alan Charles, un artiste du Québec, tiré de Lust and Passion, paru en 2023. Alan Charles était derrière la formation Existence, qui a fait paraître deux albums dans les années 90 et un dans les années 2000. Alors, on aura pour vous ce soir la pièce de Palace of Blissful Tears. Également, on aura un nouvel extrait pour vous du nouvel album de Little Tragedies, une formation de la Russie, tirée de Don Quichotte, leur excellent plus récent album paru en 2023, avec la pièce Down the Road. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation multinationale qui compte dans ses rangs un artiste de Québec. Oui, outre le batteur Denis Boucher, on retrouve deux musiciens suédois et un musicien américain pour Proportions. Et c'est un extrait de leur cinquième album qu'on va écouter, qui a pour titre Conundrum. Thank you. толпы понять, где свой дом найти. В хижине бедной и во дворцах тень появляется в чистых глазах. Зверь попадает в стальной селок. Воин врага одолеть не смог. Злые курганы и волчий вой. Замер на фото последний герой. Пойдем по дороге, по той, где струи небесные над землей, где слуги покоя уходят без боя. По той, по дороге, по той. Где слуги покоя уходят без боя. so good and so warm. Our desire swells in pulse with our sighs. Moans of pleasure echo in the night. I look at you and tears fill my eyes. So beautiful, your naked body is entwined. But then again, I'm not sure if this is right.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. La Rotonde présente B-Side de Marie Bellan. Une performance dansée exploitant la radio en direct. Chaque soir, trois interprètes relèvent le défi de bouger et parler comme les médias, diffusés en simultané dans leurs oreilles. Receiving you 5x5. Une expérience périlleuse à essayer soi-même avant le spectacle. B-Side. Du 3 au 6 avril à la Maison pour la danse. larotonde.qc.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation allemande Versus X, qui avait débuté en 1984 sous le nom de Vague Venture. Ils ont changé de nom pour Versus X en 1991. Ils ont réalisé 4 albums. Leur premier, éponyme, paru en 1994, Disturbance en 1996, The Turbulent Zone en 2000 et Primordial Ocean en 2008. Alors, ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est une pièce de leur troisième album, The Turbulent Zone. On a choisi pour vous la pièce Cutting the Veil, qui est une longue pièce. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une excellente formation de la Roumanie. Lorsqu'on parle de la Roumanie, ben, il n'y a pas grand nom qui nous vient à l'esprit, en tout cas pas très rapidement, mettons. Mais on parle ici de Yesterdays et on va voir un extrait de leur quatrième disque studio qui a pour titre Saint-Exupéry Alma, un disque qui a été lancé en 2022. Thank you. these days, though we tried so hard to accommodate to changing conditions, new values and times, we can't afford to fail. All major discoveries, it seems, have been made. Established ideas are just optimized by an army of workers whose skills are just wait to be substituted by chips. The greatest of visions, the whole world to see, are fallen to pieces and swept away. And now disillusion is spreading in minds, leaving a void of untendable kind. And ancient rules devaluated now, substituted by an omnipresent scientific rationalism. subliminal currents of haunted minds, long time suppressed, now face the light, claiming the spaces, still laying fallow out of sight. On fertile ground now, growing wild, the seeds relieved from chains of might. Some seem enlightened, others passing dangerous frontier. No safety net to catch, no self-control to close the hatch. A game of free forces, and maybe too late to turn the tide. Ever harder to weed out the thicket grown beyond control. Short-term fit mentality, providing obscure saviors and charlatans a peak prosperity. Structures splinter, forming a strange kaleidoscope. Immediately commercialized, all long-term trends nipped in the bud. And only in hidden and distant niches, granting unhindered ripening, time allows to crystallize forms unseen in a velvet light. Once covered by a gentle coat of night, now exposed to dazzling daylight, the sharpened knife desaccharates the pure. pour conclure l'émission de ce soir, mais on a décidé de piger à même l'album qui nous a servi d'ouverture de cette demi-heure, c'est-à-dire l'album de Yesterday's Saint-Exupéry Alma. Et c'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres et d'être fidèles au rendez-vous. Revenez-nous la semaine prochaine pour 2 heures de bon rock progressif. Restez à l'écoute de CKRL, l'autoroute suit dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Présente B-Side de Marie Bellan, une performance dansée exploitant la radio en direct. Chaque soir, 3 interprètes relèvent le défi de bouger et parler comme les médias, diffusés en simultané dans leurs oreilles. Receiving you 5x5. Une expérience périlleuse à essayer soi-même avant le spectacle. B-Side, du 3 au 6 avril à la Maison pour la Danse, larotonde.qc.ca. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz et du rock progressif avec un programme double des Living Brothers et de California Guitar Trio. Voyez les Living Brothers, quatuor dirigé par le célèbre bassiste Tony Levin et son frère Pete. Une première visite à Québec pour la formation jazz. California Guitar Trio est de retour pour livrer du matériel original ainsi que des reprises audacieuses des grands classiques du rock progressif. Les Levin Brothers et California Guitar Trio en programme double le 5 avril au Palais Montcalm. Billets en vente au palaismontcalm.ca. Allô, toi! Espace DCL annonce de nouveaux spectacles en 2024. Le 3 novembre, à l'Auditorium du Cégep de Lévis, assistez au grand retour de Daniel Lemire et son tout nouveau spectacle. Le 15 novembre, voyez la comédie Brou. Le 29 novembre, découvrez Pierrot Lunaire, un concert unique offert par le Israeli Chamber Project, formation basée à New York et Tel Aviv. De grands classiques à voir ou revoir à Lévis. Billets disponibles dès maintenant au espacedcl.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Ben voyons, le monde est donc bien cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce long.